microphone c'est comme un calibre. Si tu le sors il faut pas hésiter. Je connais l'histoire depuis si tôt. Y'a des lieux que je veux pas visiter. Ils ressemblent à la flamme du zippo. Dessiner les signes on les ignore. Les putes décident tous les 6 mètres. Dessiner les cibles on les ignore. J'incarne la fierté des nôtres. À la base d'une autre contrée. Mon visage attire le contrôle. Fils de putain là c'est nous contre. J'ai tenu mon arme à bout portant. Génération sacrifiée crois-moi. Généralement ça nique les banales. En général ça finit pas mal. Je fais de la résistance comme un ramallah. Malheur que j'ai de pas tenir ma langue. T'as compris du bif mais t'es pas malin. T'as tout refilé à ta zlatana. J'perds pas mon objectif de vue moi. Je vais trouver le bonheur pas une fausse vie. Dans un sourire d'un petit derbel. Passe le message à toutes les nouvelles générations qui m'ont cassé de voir quoi tirer des leçons. Les valeurs et les principes ont toujours raison. L'argent c'est que du papier brûlé dans des passions. Un jour on va quitter le hall, hall, hall. Avant que la street nous fasse perdre le contrôle. Et j'ai percé tous les halls, hall, hall. Respecte les anciens, YL au contrôle. La vie c'est combien j'ai morflé, la SACM c'est combien j'ai raflé. La street me porte comme un trophée, j'entêtais dans les bras de Morphée. Mes chiffres ne sont jamais gonflés, 42 bougies jamais soufflées. Qui veut tester, va s'essouffler, qui veut croquer, rigoler quand je souffrais. J'ai perdu des vaillants, rafalés au feu rouge. Quand on se tue pour le beefsteak, c'est le chétan qui l'enfourche. Tu joues les Pablo pour de petits trafics, allez bouge. Qui va jamais au help doit être un indique, ouais c'est louche. Des plus aimés donc des plus laïs. Appelle pas le sang, le mien m'a trahi. T'es l'un des ailes, j'meurs pour ma patrie. Toi et ma vie, tu serais en cicatrie. Un million d'euros leur fait perdre l'esprit. Je sens pas leur prétention. Dans ma cellule, je n'entends que mes sons. Passe le message à toutes les nouvelles générations qui m'ont cassé de voir toi tirer des leçons. Les valeurs et les principes ont toujours raison. L'argent c'est du papier brûlé dans des passions. Un jour on va quitter le hall, hall. Oh, avant que la street nous fasse perdre le contrôle. Et j'ai percé tous les halls, halls, halls. Respecte les anciens, YL au contrôle. Respecte les anciens, petit frère. Suis la bonne mentale de ceux qui ont tenu la route jusqu'ici. 9 plus 4, 13. ROH2F en direct de Herbel. Les principes avant la musique, poto. Parole de Komoko. On sait d'où on vient, on n'est pas amnésique, nous. La street, la vraie.